Bonjour à tous et bonjour à toutes. En ce samedi 24 décembre, les préparatifs du réveillon vont bon train et les invités vont bientôt arriver. On va passer une demi-heure ensemble dans cette émission un peu spéciale puisqu'on va passer des titres disco ou non en rapport avec Noël, histoire de bien rester dans l'ambiance. Un titre à passer, notre groupe bien-aimé Boney M et son fameux Merry Boy Child. Le titre est sorti en 1978, on va commencer avec. Mary's Boy Child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. To see him and adore. This day will live forever. Oh. Fadjet, c'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Pour la suite, direction les années 80 avec un des groupes phares, j'ai nommé Wham. Leur chanson Last Christmas sort en novembre 1984, juste avant Noël. Le titre connaîtra de nouveau la gloire après le décès du chanteur le 25 décembre 2016, c'était George Michael. En effet, la dernière semaine de 2020, elle revient en force au moment où sommet des hits anglais se classe numéro 1, 36 ans après sa sortie. Elle est tirée de l'album The Final. On enchaîne. Yeah. C'est au tour de Cool and the Gang de faire partie de ce numéro spécial Noël. En 2013, ils ressortent un album Cool for the Holidays, où figure Christmas Always. On peut y voir l'esprit de Noël, surtout avec les clochettes en fond musical. C'est funk, c'est efficace, ça ne passe pas souvent à la radio. Je vais vous l'offrir en ce jour de réveillon. Christmas cheer, people thinking only happy thoughts. It's my favorite time of year. It's like fairy tales of peace on earth and goodwill towards all men, just like we should be always. Giving and receiving gifts, spending time with the ones you love. But in celebrating, don't forget what we're celebrating for. 'Twas the birth of one who spoke of love and goodwill towards all men, just like we should be always. What if it- peace on earth and goodwill towards all men, just like we should be always. It's like fairy tales of peace on earth and goodwill towards all men, just like we should be. Vu que l'on est en pleine période de cadeaux, j'ai envie de vous faire écouter un bon vieux Clo-Clo qui sonne un peu disco. Soudain, il ne reste qu'une chanson, est extrait de l'album Toi et moi contre le monde entier, sorti en 1975. C'est une reprise de la célèbre chanson des Spinners, sortie en 1972. Allez, c'est cadeau! C'est un soir de fête et de gala, alors pourquoi pas un petit George Benson pour continuer. On a déjà écouté ce titre, mais il est tellement fabuleux que je ne peux pas m'empêcher de vous le rediffuser. En même temps, je pense que vous l'avez déjà trouvé rien qu'avec le nom de l'artiste. Vous l'avez tous compris, c'est Give Me The Night. Et oui, la nuit va être belle, c'est parti. Comme il nous reste un peu de temps, et je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas que le disco dans la vie, et je vais vous proposer un titre de Roxy Music. Un titre bien feutré que j'aime beaucoup. Il est tiré de l'album titre Avaland. Le clip a été réalisé par Ridley Scott et atteindra le top 12 anglais et 5 en Belgique. Place à la dégustation. Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, as the picture changing every moment, and your destination you don't know. Thank you. When you're passing over, there's no holding. Would you have me dancing? I don't know, babe. Voilà, on arrive à la fin de notre rendez-vous. Je vous souhaite un bon réveillon et une bonne semaine. Alors, semaine prochaine, semaine spéciale pré-soirée du Nouvel An avec les titres phares du disco et du funk. Bye bye.